بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وكمانسي متنا إن شاء الله le cours numéro 127 dans l'explication du livre الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله avec les commentaires de Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. Et donc, on continue donc notre explication. On était en train d'expliquer au dernier cours le fait qu'il y a parmi les gens de l'égarement, parmi les kuffars et les mushrikin, des gens qui ont recours à l'aide des diables pour jouer des tours aux gens, et pour essayer de les séduire ou de les égarer. Donc, ils ont recours à l'aide des djinns et des diables. Et parmi eux, le cheikh a mentionné l'exemple de Abdullah ibn Sayyad. Abdullah ibn Sayyad, qui, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était une personne qui faisait partie des kuhan. C'est-à-dire, elle fait partie des voyants ou des médiums, des gens qui prétendent connaître le raïb et qui ont l'aide des ou qui cherchent l'aide des shayatines pour faire ce qu'ils font comme acte surnaturel ou des choses surnaturelles. Et donc le cheikh maintenant il va donner des exemples d'événements qui s'étaient produits à son époque. Donc au dernier cours on avait expliqué que Abdullah ibn Sayyad, certains compagnons pensaient qu'il était le Dajjal. Même que Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il avait justement, il disait, yani, il faut l'exécuter parce que c'est le Dajjal. Parce que, hein, il pensait que c'était le Dajjal et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, si c'est vraiment lui, tu ne seras pas capable de le tuer. Hein? Et donc, c'est pour dire que yani, il n'était pas certain au début, mais par la suite, c'est devenu clair pour lui que c'était yani, un charlatan, un parmi les gens qui se prétendent voyants et ainsi de suite. Et voici l'exemple que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a cité par rapport à cet événement-là ou à cet exemple-là. Il dit « Qala lahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam » قد خبأت لك خبأ قال الدخ وقد كان خبأ له صورة الدخان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ لن تعدو قدرك فلن تعدو قدرك يعني إنما أنت من إخوان الكهان والكهان كان يكون لأحدهم القرين من الشياطين يخبره بكثير من المغيبات بما يسترقه من السمع. Donc ici le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a dit j'ai caché quelque chose pour toi. Hein, j'ai caché quelque chose pour toi. Et Abdullah ibn Sayyad, il essaie de deviner de quoi il s'agit. Hein, il essaie de savoir de qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a caché. Alors il commence à dire ad-dukh, ad-dukh. Hein, c'est-à-dire que c'est comme s'il essaie de deviner ou il essaie de découvrir qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a caché pour lui. Et donc, il dit « ad-dukh », mais il n'est pas capable de dire le mot au complet. C'est comme s'il est bloqué hein, dans les informations qu'il a. Donc, il n'a que la moitié des informations. Hein, il n'arrive pas à savoir qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a caché pour lui. Alors, ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui avait caché Sourate Ad-Dukhan. Donc l'autre, il disait Ad-Dukh, mais il ne pouvait pas dire le mot complet parce qu'il ne voyait pas complètement toute l'information. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, n'essaie pas, parce que tu ne vas pas être capable de toute façon de dépasser ta limite. Hein? Tu ne peux pas dépasser ta limite, c'est-à-dire tu n'es que parmi les frères des médiums et des voyants. Et par conséquent, les médiums, ils ne font que chercher l'aide de leurs compagnons parmi les diables pour leur informer de certaines choses qui leur sont cachées, hein, ou des choses qui font partie de l'invisible. Donc, ils demandent l'aide des shayatins et des djinns pour voler quelques informations pour eux, parmi les choses qu'ils arrivent à voler des informations du ciel. Mais ici, hein, il n'a pas été capable de découvrir de quoi il s'agissait. Donc, en voulant dire, tu ne seras jamais capable. Tu ne seras jamais capable de savoir de quoi il s'agit. Et le cheikh Al-Fawzan, il fait des commentaires sur ça. Il dit, اختبر النبي صلى الله عليه وسلم اختبره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له قد خبأت لك خبأ يعني شيئا خفيا فما هو الشيء الخفي فلم يستطع الجواب فقال له اخسأ فلن تعد قدرك يعني إنما أنت من إخوان الكهان ما عرف ما الذي خبأ له النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل سورة الدخان. Donc c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait hein, l'éprouver ou le tester pour voir yani justement qui il était. Et quand il lui a dit, j'ai caché quelque chose pour toi, alors lui il a essayé de savoir ou de découvrir ce que c'était, mais il n'a pas été capable de répondre. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, yani, n'essaie pas, tu ne peux pas dépasser ta limite. Hein, tu n'es que parmi les frères, parmi les médiums ou les voyants, les gens qui se prétendent médiums ou voyants. Et donc, par conséquent, il n'a pas pu savoir ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait caché pour lui. Parce que, en principe, si quelqu'un prétend connaître le raïb, hein, et que tu lui dis que tu as caché quelque chose, s'il connaît réellement le raïb, il va être capable de te dire ce que tu as caché. Mais s'il n'est pas capable de le dire, eh bien c'est la preuve que c'est pas, hein, que c'est pas vrai, que ce qu'il prétend est un mensonge. Et après le cheikh il explique, il dit, Cheikh Al-Fawzan il dit, al-qarinu min ash-shayatin kama qala Allah subhanahu wa ta'ala wa man ya'shu 'an dhikr ar-rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum 'an as-sabil wa yahsabuna annahum muhtadun hatta idha ja'ana qala ya layta bayna قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين وقال الله عز وجل ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون يعني بما يسترقه من السمع هذه ناحية والناحية الثانية أن عليها ابن آدم فيخبرونهم والناحية الثانية أن الشيطان سريع في قطع الفيافي يعني ويطير في الهواء ويطلع على أمور لا يطلع عليها ابن آدم يخبرون ابن بني آدم بذلك فتنة لهم. Donc le cheikh Al-Fawzan il explique en fait le rôle du qarin dans le travail du sorcier ou du voyant ou de celui qui prétend connaître l'avenir parmi les diseurs de bonne aventure et ainsi de suite. Et donc ici il dit par exemple que le qarin dont il est question, on parle du qarin, c'est-à-dire le compagnon que chaque personne possède, qui fait partie des diables et qui accompagne chacun, hein, eh bien il y en a qui justement essaient de rentrer en contact avec leur qarin par toutes sortes de blasphèmes ou de toutes sortes de sacrilèges qu'ils font, et yani, le shaitan prend le contrôle sur eux, et eux en échange ils essaient d'obtenir des services de la part des djinns, Et Allah subhanahu wa ta'ala fait référence justement au Qarin dans le verset dans Surat al-Zukhruf, le verset 36 à 39. Donc on va lire ce verset-là dans Surat al-Zukhruf. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset ce qui signifie وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Donc, et quiconque s'aveugle, c'est-à-dire quiconque s'écarte du rappel du tout miséricordieux, c'est-à-dire du rappel d'Allah, hein, nous lui désignons un diable, hein, alors qui devient alors son compagnon inséparable. Donc c'est ça, Al-Qarin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, quiconque s'éloigne du rappel, hein, d'Allah, eh bien Allah lui assigne, il lui désigne un shaitan, un diable, qui devient son compagnon inséparable. Et il dit, et les diables détournent, hein, ces hommes-là du droit chemin, tandis que ceux-ci s'estiment être bien guidés. Donc ils pensent qu'ils sont bien guidés, alors que le shaitan les a déviés, les a égarés. Lorsque cet homme vient à nous, il dira à son qarin, hein, à son shaitan, « Hélas, que n'y a-t-il entre toi et moi la distance entre deux orients, hein, l'est et l'ouest? Quel mauvais compagnon tu es !» Donc il souhaiterait que, hein, il n'y a aucun lien entre lui et ce qarin, ce shaitan. Et le shaykh dit, et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et il ne profitera point ce jour-là du moment que vous avez été injuste, que vous soyez associé dans le châtiment. Et il dit, c'est donc que ils ont travaillé ensemble, cet homme et le qarin. Et le qarin, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vole l'information. Il essaie de voler des informations de ce qu'il entend dans les cieux. Ça, c'est de un. Et deuxièmement, il arrive également à venir en aide ou à servir cette personne en lui ramenant des informations de qu'est-ce qui est caché parfois. Pourquoi? Parce que le shaitan, hein, du fait qu'il fait partie des djinns, il est beaucoup plus rapide que l'être humain. Il peut couper il peut traverser des longues distances en quelques instants, et il peut également voler, hein, dans les airs. Donc, il peut arriver à connaître des choses que les fils d'Adam, eux, ne peuvent pas connaître. Alors, ils vont leur donner des informations à propos de certaines choses que les hommes ne peuvent pas connaître, et ces informations-là sont, bien entendu, une tentation pour les hommes. Le Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit ensuite, وَكَانُوا يَخْلِطُونَ الصِّدْقَ بِالْكَذِبِ كَمَا فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ الَّذِي رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَنْزِلُ فِي الْعَنَانِ وَهُوَ السَّحَابِ فَتَذْكُرُ الْأَمْرَ قُضِيَ فِي السَّمَاءِ فَتَذْكُرُ الْأَمْرَ قُضِيَ فِي السَّمَاءِ فتسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها مئة كذبة من عند أنفسهم. Donc ici le Cheikh Ibn Taymiyyah, il mentionne, hein, un autre exemple. Il dit que les shayatin, ils mélangent le vrai et le faux. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire confiance aux voyants et aux médiums et à ceux qui prétendent connaître le rêve, parce que ce sont des menteurs, et l'information qu'ils reçoivent, ils l'apprennent d'un menteur aussi. Le shaitan, hein, le shaitan, c'est un menteur. Et donc, ils mélangent la vérité et le faux. Le Cheikh Al-Fawzan, il dit, « Kama annahum idha sami'u al-kalima min as-sama kadhabu ma'aha mi'ata kadhba » يعني فصدقهم الناس بسبب تلك الكلمة التي سمعت أو سمعت من السماء يعني صدقوا في 99 كذبة صدقوهم في 99 كذبة يعني هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. هؤلاء الكهان وهؤلاء الذين ينخدعون بهم أكثرهم كاذبون. Donc le Cheikh Al-Fawzan il dit, c'est-à-dire que lorsqu'ils entendent une parole des cieux, hein, une parole qu'ils ont entendu dans les cieux, c'est-à-dire les shayatin et les djinn, ils entendent une parole dans les cieux, alors ils y rajoutent, hein, 100, yani ils y rajoutent 99 mensonges. Donc ils entendent une parole vraie, ils y rajoutent, hein, 99 mensonges. Alors les gens vont entendre leurs paroles, hein, les gens vont entendre leurs paroles qui sont des paroles de mensonges, mais parce que parmi ces 100 paroles, ils ont entendu une parole qui est vraie, hein, ils vont croire en tout le reste, malgré que le reste, hein, 99%, c'est du mensonge. Et 1%, c'est vrai. Donc eux, ils prennent juste qu'est-ce qui est vrai, et ils s'imaginent, c'est-à-dire ils entendent ce qui est vrai, et ils s'imaginent que tout le reste est vrai aussi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit justement la description de ceux qui justement reçoivent des informations des diables et des shayatins, et il les a décrits comme étant des menteurs. Hein? Voulez-vous qu'on vous informe, hein, sur qui descendent les diables? Ils descendent sur toutes personnes qui fabriquent des mensonges et qui fait des péchés. Ils tendent l'oreille et la plupart d'entre eux sont menteurs. Donc ça, c'est l'exemple de ces voyants, de ces médiums, ceux qui sont trompés par eux, hein, ceux qui se font tromper par eux. Et la plupart d'entre ces médiums et de ces shayatins, ce sont des menteurs. Donc les médiums sont des menteurs et les shayatins, c'est des menteurs aussi. Et comme c'est rapporté également dans le hadith, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les anges descendent, hein, vers les nuages. Et il mentionne certains des jugements qui ont été faits dans les cieux. Et les shayatins entendent ça et ils le révèlent ou ils le répètent aux voyants et aux médiums avec qui ils travaillent. Et ils rajoutent avec une centaine de mensonges. Donc c'est pour ça que, hein, les gens, ils entendent une parole, ils disent « Ah, ça c'est vrai !» Et ils pensent que tout le reste est vrai aussi. Le Cheikh Ibn Taymiyyah, il a mentionné un autre exemple. Il dit « Wa fi al-hadith alladhi rawahu muslim an ibn Abbas radiyallahu anhuma qal baynama an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi nafarin min al-ansar idh rumiya bi najmin fastanar » فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنتم تقولون لمثل هذا في الجاهلية إذا رأيتموه قالوا كنا نقول يموت عظيم أو يولد عظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم ثم الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء ثم يسأل أهل السماء السابعة حملة العرش ماذا قال ربنا فيخبرونهم ثم يستخبر أهل كل سماء حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا وتخطف الشياطين السمع فيرمون فيرمون فيقذفونه إلى أوليائهم فما جاءوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يزيدون ولكنهم يزيدون. Donc l'imam muslim, il a rapporté ce hadith selon Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, dans lequel il explique justement comment les shayatines écoutent les informations des cieux qui est échangée entre les anges dans les cieux, et il clarifie ce sujet-là. Donc il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis en compagnon d'un groupe parmi les Ansar, jusqu'au moment où il voit une étoile filante qui éclaire le ciel. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: que disiez-vous dans la Jahiliya à propos de ce genre de choses lorsque vous le voyez, lorsque vous le voyez dans le passé, à l'époque pré-islamique? Quand vous voyez ce genre d'étoile filante, vous disiez quoi à ce sujet-là? Alors ils ont dit, on disait que une personne importante était morte ou bien qu'une personne importante était née. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce genre d'étoile, ce genre d'étoile filante n'est pas lancé pour la mort de quiconque ni pour la vie de quiconque. C'est-à-dire, c'est pas parce que quelqu'un est mort ou quelqu'un est né. Il dit, sauf que mais plutôt votre Seigneur, lorsqu'il a décrété quelque chose dans les cieux, eh bien, les anges qui portent le trône glorifient Allah, subhanahu wa ta'ala. Puis, les anges qui sont dans les cieux qui suivent glorifient Allah. Puis, le ciel suivant, les habitants du ciel suivant. Puis, les habitants du ciel suivant, en descendant ainsi jusqu'aux habitants des cieux de la dunya. Puis, les habitants du septième ciel demandent à ceux qui portent le trône: qu'est-ce que notre Seigneur a dit? Alors, les anges qui portent le trône informent les habitants du septième ciel, parmi les anges, de ce que le Seigneur a dit. Puis, les habitants des cieux qui sont en dessous demandent encore la même chose, c'est-à-dire à savoir qu'est-ce que notre Seigneur a dit, jusqu'à ce que les habitants du ciel de la dunya soient informés de cette parole d'Allah. À ce moment-là, les shayatines écoutent et essaient de voler l'information qui est transmise de la part des anges. Alors, à ce moment-là, ils sont frappés par une étoile filante qui leur est lancée. Donc, s'ils n'arrivent pas à l'attraper, s'ils ne sont pas frappés par... c'est-à-dire, s'ils arrivent à attraper une information, qu'est-ce qu'ils font? Ils la donnent à leurs alliés ou à leurs collaborateurs avec les shayatines, avec qui les shayatines qui ont volé l'information. Ils vont transmettre cette information à l'être humain avec qui il travaille, parmi les voyants et les médiums, les sorciers, ils vont leur transmettre l'information. S'ils la transmettent telle qu'elle, c'est clair que c'est la vérité, mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils y ajoutent des choses. Ils y ajoutent des choses fausses. Donc, ils mélangent le vrai avec le faux. Naam. Donc ça, c'est l'explication de qu'est-ce que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a mentionné ici, qu'est-ce qu'il a cité comme hadith à ce sujet-là. Et donc, il dit Cheikh al-Fawzan à ce sujet: هذا حديث النواس بن سمعان وحديث أبي هريرة وكلها تدل على أن الشياطين يحاولون استراق السمع مما يتكلم به الملائكة في السماء ولكن الله قيض لهم الشهب يعني وهي النجوم رجوما للشياطين تنبثق منها شهب أو شهب يعني تر يعني ترمى أو ترمي الشياطين فتحرقهم وقد يدركه الشهاب قبل أن يلقي الكلمة التي سمعها وقد يلقيها قبل أن يدركه الشهاب فيكذبون معها 100 كذبة فيروجونها على الناس وما فيروجونها على الناس من باب الفتنة هؤلاء هم الشياطين والكهان أتباع الشياطين وهم كهان هم كهان وليسوا أولياء لله ولا يقال إن هذه كرامات وإنما هؤلاء كهان من عملاء الشيطان والعياذ بالله ففرق بين ولي الله وعدو الله وإن جرت على يد عدو الله خوارقة فلا يغتر بها لأنها من الشياطين وليست من الله سبحانه وتعالى بخلاف الكرامات فإنها من الله أكرم بها عباده المؤمنين المتقين ففرق بين مصدر الكرامة ومصدر الخارق الشيطاني وفرق بين ولي الله وولي الشيطان فرق بين هذا وهذا الناس بحاجة إلى معرفة هذه الأمور اليوم لأنه كثر الدجل وكثرت الشعوذة وكثرت السحر والكهانة فيجب على العلماء أن ينشروا هذا وطلبة العلم يتلقونه ويعرفونه حتى ينشروه في الناس ويحذر من هذه الفضائيات الكافرة الدجالة التي غرت الناس وهذه الاتصالات يتصلون على الناس بالجوالات وبالإنترنت ويروجون لهم ويهددونهم بأنك ستموت وأنك سيحصل لك كذا وكذا ولكن ولكن اعطنا كذا وكذا نحن نسعى في خلاصك وما أشبه ذلك والعياذ بالله. Donc le cheikh explique que ce hadith il est rapporté par An-Nawas ibn Sam'an et il est également rapporté par Abi Huraira et Ibn Abbas et d'autres. Donc il dit tout ça, ça indique que les shayatins, les diables, ils essaient de voler des informations de ce qu'ils entendent dans les cieux, de ce que les anges se disent entre eux dans les cieux. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, yani, il a préparé pour eux des étoiles filantes pour les lapider, ces diables. Donc, il y a des étoiles filantes qui sont lancées sur les diables pour les brûler. Et parfois, il est possible que l'étoile filante soit lancée et que les diables réussissent à attraper une parole qu'ils ont entendue. Et parfois, ils ont le temps de transmettre cette parole avant d'être frappés, ou parfois, ils n'ont pas le temps de la transmettre. Ils sont frappés avant de pouvoir la transmettre. Mais qu'est-ce qu'ils font, ces shayatins, quand ils transmettent cette parole, ils y mélangent 100 de mensonges. Puis il la propage parmi les gens pour les éprouver, pour les tenter. Et donc, ce sont des diables. Et ceux qui suivent ces diables parmi les voyants, parmi les sorciers et les médiums, ce ne sont pas des alliés d'Allah, ce sont des alliés du shaitan. Ils travaillent avec les diables. Et donc, le cheikh, il dit, on ne doit pas donc dire que ce que ces gens-là font, c'est des karamates, ou des prodiges, mais on dit seulement que ce sont des agents du diable, des gens qui travaillent avec le diable, et bien évidemment, il y a une grande différence entre l'allié d'Allah et celui qui est en réalité un ennemi d'Allah. Donc l'allié d'Allah, il n'est pas comparable à l'ennemi d'Allah. Et les choses qui se produisent à la, des choses surnaturelles qui se produisent par la main des ennemis d'Allah, hein, il ne faut pas se laisser tromper par ces choses-là parce que elles sont à l'origine des diables. Elles ne viennent pas d'Allah. Contrairement aux miracles ou aux prodiges, effectivement, qui viennent réellement d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, yani honore ses serviteurs croyants et pieux en faisant en sorte qu'ils soient capables de faire ou qu'ils puissent accomplir certains prodiges et certaines choses qui sont surnaturelles. Mais il y a une grande différence entre ça et ce que font les gens qui sont aidés par le diable et qui font des actes diaboliques. Donc il y a une grande différence entre les deux et c'est pour ça que c'est important de savoir comment distinguer entre les alliés d'Allah et les alliés du diable parmi les shayatins. Parce qu'il y a une grande différence entre les deux. Et les gens ont besoin de connaître ces choses-là aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de mensonges, de charlatans, de sorcellerie et de voyants et des choses de ce genre. Donc il faut que yani, les ulama propagent cette clarification-là parmi les gens pour que les gens puissent distinguer entre le vrai et le faux et pour que les étudiants en sciences également fassent ce travail-là aussi de connaître cette question-là et de la propager pour que les gens puissent avoir un discernement sur ces questions-là et être capables de clarifier la vérité à ce sujet et de mettre en garde également contre les chaînes satellites dans lesquelles les gens parfois justement se permettent de propager des mensonges et des faussetés comme ça. Par exemple, il y a des voyants, ils font leur travail par télévision, par exemple, par la télé. Et les gens appellent dans ces chaînes télévisées-là pour parler avec les voyants. Et ils disent, par exemple, telle chose, je voudrais savoir qu'est-ce qui va m'arriver, et ainsi de suite. Et puis la personne, elle lui dit, pendant qu'il est sur la ligne, le voyant, il lui répond, il lui dit, ah bon, il va t'arriver telle chose, il va t'arriver telle chose, et ainsi de suite. Et donc ça, c'est des moyens par lesquels aujourd'hui ils font ça. Et il y a toutes sortes d'autres choses qui se font également, par exemple, sur les chaînes satellites de ce genre-là, malheureusement. Et parfois même, c'est eux qui contactent les gens. Hein? Ils prennent les numéros de téléphone des gens ou bien ils essaient d'obtenir des listes de numéros de téléphone. Puis après, ils appellent les gens un par un. Et puis, ils leur font des menaces. Ils leur disent, si tu veux, si tu me donnes pas de l'argent ou si tu fais pas telle ou telle chose, il va t'arriver ceci ou cela, et si tu me donnes pas ce que je te demande, ou si tu fais pas ce que je te demande, eh bien, tu vas avoir ça, tes enfants vont avoir ça. Donc, ils font de la magie et de la sorcellerie, et ils font peur aux gens, et les menacent, hein, pour obtenir des choses en échange de la part des gens. Donc ça, c'est des exemples de ce genre de sorciers-là, comment ils agissent. Il y en a des fois comme ça, j'ai entendu un fois un frère qui me disait une fois que c'était quelqu'un qui, lorsqu'il devait se marier, le sorcier qui est venu, qui lui a dit, si tu nous donnes pas de l'argent, tu vas pas pouvoir comme si faire consommer le mariage dans ta nuit de noces, donc c'est comme il lui a jeté un sort. Puis après, il demande de donner de l'argent pour retirer ce sort. Donc ça fait partie des exemples, des choses que les shayatins comme ça, ces diables, qu'est-ce qu'ils font? Voilà, iyadhu billah. Donc à notre époque, il y a beaucoup de ce genre de choses. Le cheikh, il dit, c'est pour ça qu'il faut faire attention et qu'il faut expliquer ces choses-là aux gens pour être capable de leur donner assez de connaissances pour être capable de distinguer entre ces choses-là et de distinguer entre qui est réellement le wali et qui est justement l'allié du diable parmi les shayatines qui se prétend wali. Hein? Après le cheikh, il dit, cheikh Ibn Taymiyyah, wa fi riwaya, qala Muammar, qultu li Zuhri, akana yurma biha fil jahiliyah, qala na'am, lakin walakinnaha ghalatat حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم هنا غلظت غلظ ولكنها غلظت حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم. Donc ici le cheikh il rapporte un autre hadith ou bien une autre narration par rapport à ce sujet-là, par rapport au hadith qu'on vient de lire. Ici le hadith qu'on lit maintenant, il explique le précédent. Le cheikh, il dit que dans une narration, un des rapporteurs, qui est Muammar, il dit, j'ai dit à Az-Zuhri, hein, son cheikh, hein, il lui dit, j'ai dit à Az-Zuhri, est-ce que dans la Jahiliya, est-ce que ce genre d'étoiles filantes étaient aussi lancées sur les diables, même avant l'islam? C'est-à-dire même dans l'époque de l'ignorance, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien c'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais l'imam Az-Zuhri, il répond, il dit oui, c'était lancé avant l'islam. C'est-à-dire dans la Jahiliya, il y avait des étoiles filantes qui étaient lancées sur les shayatines. Sauf que, une fois que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu, eh bien c'est devenu encore plus fort. C'est-à-dire que il y en a eu encore plus et c'était devenu encore plus intense, hein, les étoiles filantes qui étaient lancées sur les diables. Donc il y en avait avant, mais il n'y en avait pas autant qu'après la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et justement, même certains parmi les shayatines, ils s'étaient plaints de ça, justement parce qu'ils ont compris que avec la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le Coran, eh bien, les informations qu'ils arrivaient à voler dans les cieux étaient devenues minimes. Hein. C'était devenu beaucoup moins important par rapport à ce qu'ils pouvaient obtenir comme information auparavant. Et Cheikh Al-Fawzan, il explique ça ici, il dit « Wa kanat al-shuhub » ou « shuhab » في الجاهلية كثيرة. الشهب يعني يرمى بها في الجاهلية كثيرة على الشياطين. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حرست السماء ولم يبق منها إلا أقل القليل. ولهذا الجن لما سمعوا القرآن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا إلى قوله وأنا كنا نقعد منها أي من السماء مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا فهذا ما حصل عند البعثة عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لما لم تكثر الشهب أرسل الشيطان جواسيس يعني يبحثون ما السبب فرجعوا إليه وقالوا بعث محمد صلى الله عليه وسلم عند مبعثه حرست السماء وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا هكذا تقول الجن عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد أن نعرف أن هذه الشهب أو هذه الشهب إنما هي رجوم للشياطين وإن يعني رجوم للشياطين. يقول تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. نعم. Donc ici le Cheikh il mentionne que dans la Jahiliya il y avait يعني beaucoup de يعني شهب, il y avait beaucoup de d'étoiles filantes qui étaient lancées. Et ils étaient lancés contre les shayatin. Mais lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu, eh bien les cieux ont été gardés. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala a mis une garde dans les cieux. Alors il ne restait plus que très peu hein, de shayatin qui pouvaient venir écouter. فَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا أقل القليل. Donc c'est comme s'il y avait maintenant moins de d'étoiles filantes qui étaient lancées à cause de ça. Et c'est pour ça que les djinns ils ont dit ولهذا الجن لما سمعوا القرآن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. Donc ici le Cheikh il explique et il dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala il a donc mentionné à propos des djinns qu'ils avaient entendu le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surat al-Djinn justement, dit au Muhammad, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille puis dirent, nous avons entendu une lecture merveilleuse qui guide vers la droiture. Et nous y avons cru et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. Non. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala dise par la suite dans le verset 6. Or, il y avait... C'est le verset 8 ou 9. Oui, c'est 9. Et nous y prenions place pour écouter hein, les cieux. Mais quiconque prête l'oreille maintenant trouve contre lui un bolide aux aguets. Hein? Un bolide aux aguets. Nous ne savons pas si on veut du mal aux habitants de la terre ou si leur Seigneur veut les mettre sur le droit chemin. Donc, le Cheikh, il explique que... ça, c'est donc ce qui est arrivé lorsque... le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Donc quand ils ont vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'étoiles filantes, les shayatins, ils ont envoyé, yani le shaytan, il a envoyé des espions pour essayer de chercher quelle est la cause de ça. Et quand ils sont revenus, ceux qui ont été envoyés sont revenus, ils ont dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait été envoyé. Finalement, il est venu avec le message d'Allah. À partir de ce moment-là, les cieux ont été gardés. Hein? Et c'est pour ça qu'ils ont dit par la suite, et nous ne savons pas, Yanni, est-ce que c'est un mal qui est voulu aux habitants de la terre ou si leur Seigneur a voulu pour eux hein, les guider. Et c'est ainsi donc que les djinns disent au moment de la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a été envoyé. Qu'est-ce qu'on veut tirer de ça? C'est que on sait maintenant que les étoiles filantes, c'est envoyé pour lapider les shayatines. Hein? Les étoiles filantes étaient envoyées pour lapider les shayatines. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat As-Saffat, les versets 6 à 10, donc on va lire ensemble la signification de ces versets-là pour comprendre justement l'exemple que le Cheikh a mentionné. Donc il dit ce qui signifie nous avons décoré le ciel. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 6, sourate As-Saffat, nous avons décoré le ciel le plus proche des hommes, c'est-à-dire Sama Ad-Dunya, le ciel le plus proche, hein, c'est-à-dire notre ciel à nous, un décor, les étoiles, afin de le protéger contre tout diable rebelle. Ils ne pourront être à l'écoute des dignitaires suprêmes, c'est-à-dire les anges, car ils seront harcelés de tous côtés et refoulés, et ils auront un châtiment perpétuel. Non, sauf celui qui saisit au vol quelques informations, il est alors pourchassé par un météore transperçant. Donc ça, c'est l'exemple de ce qui est mentionné à ce sujet-là. Ensuite, le cheikh, il explique l'exemple de certains parmi les faux prophètes qui sont apparus justement, certains qui sont venus justement à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Musaylama, et d'autres qui sont arrivés un peu plus après et qui se sont prétendus être des prophètes. Ils étaient, la plupart d'entre eux, tous des médiums ou des voyants qui travaillaient avec le diable, qui travaillaient avec le shaitan. Et on va mentionner ces exemples-là, inshallah, au prochain cours. On en a déjà parlé dans les cours précédents, parce que Cheikh l'Islam, il avait cité quelques exemples de ces faux prophètes-là dans le cours précédent. Au début du livre, il avait mentionné certains exemples. Mais là, il va les mentionner encore une fois avec quelques explications reliées à ça. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.